Voulez-vous en rien ne sert de courir. Dans le respect de la tradition, je gouvernerai la France de mon mieux. Je veux ça. Oui. Manger une envie d'air pur, réservez votre oxygène de demain. Un rat de marée sur les prix des sushis fait 200 000 victimes au Japon. Faites comme eux, gonflez vos chiens. La fin du monde, sortie nationale, bientôt. La vie, tu réserves des magies. Vous voulez gagner du temps? Je veux ça. Et dès maintenant. Changer de sexe, manger de la tradition. Pour savoir moins. Je veux ça. C'est un éléphant. Profitez, madame, jusqu'au 15 août, c'est la grande semaine du génocide aveugle dans l'exploitation. Choisissez les mines antipersonnelles. Vous m'avez un troisième, mangez deux. Buvez les bulles. Vous n'avez plus, mangez les pieds. L'alcool finance les écoles. Vous aussi, soutenez le grand projet de l'alcool. Changez les morceaux. Un cul de Jeanne. Ça fait une caca. Un ancien. Il y a un petit chien. Donnez-moi un ancien. Un petit chien. Ouais, grattez les écrans à votre corps. C'est le plus de plus longtemps. Un poisson pané est un poisson mort. Savoir plus, voulez-vous en savoir plus?